إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. دونك الحمد لله على هذا اللقاء الجديد. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité encore cette rencontre et cette assise. Les assises qui sont, comme vous savez, de plus en plus rares, car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith qu'a rapporté Al-Bukhari, lorsque les compagnons sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi à Anas radiyallahu anhu, et ils ont dit, ils se sont plaints de l'Hajjaj ibn Yusuf, qui était un homme, un grand criminel, et qui ne faisait que tuer pour un oui, pour un non. Ils se sont plaints auprès de lui, auprès de Anas, ce grand savant parmi les sahaba. Et qu'est-ce que Anas radiallahu anhu leur a répondu? Il leur a dit « La ya'ati yawmun illa ba'dahu wa shar » Il leur a dit « Il ne va pas y avoir un jour sans que celui d'après est pire que celui d'avant. » Alors mes frères, aujourd'hui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à cette époque des assises comme celle-là, on doit le remercier. Le remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le remercier, et vous savez que le shukr, c'est-à-dire la reconnaissance de ses bienfaits, tanqasimu ila thalathati aqsam. C'est-à-dire que la reconnaissance de ses bienfaits se divise en trois. La première, c'est ash-shukru bil-lisan. Ou on va y aller plutôt à l'intérieur, ash-shukru bil-qalb, c'est-à-dire le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah avec le cœur. La deuxième, c'est de reconnaître les bienfaits d'Allah avec al-lisan. Comment? Avec le cœur, bi'tiraf al-ni'ma, c'est-à-dire de reconnaître la ni'ma, reconnaître le bienfait d'Allah sur toi-même. Tastahdhir hadha fi qalbik, tu es tout le temps reconnaissant dans ton cœur. Bil-lisan bi-shukriha, c'est-à-dire avec la langue, en disant Alhamdulillah, Alhamdulillah qu'Allah m'a donné ça, Ash-shukru lillah, Allah m'a donné ça. Toujours à remercier Allah avec ta langue, et d'attribuer les ni'mas qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné à Allah, toujours. Car on entend beaucoup de gens, malheureusement, qui disent c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela. Ya akhi, c'est grâce à Allah, tout vient d'Allah, jalla wa ala. et bi shukr bil jawarih, ainsi que de reconnaître les bienfaits avec al jawarih, c'est-à-dire les membres. Et comment reconnaître les bienfaits avec les membres? C'est tout simplement en obéissant à Allah. Tes membres doivent être dans l'obéissance d'Allah. Lorsque tu jeûnes, qu'est-ce qui souffre en toi? C'est ton ventre. Lorsque tu pries, hein, c'est quoi qui bouge en toi? C'est tes membres. Donc, et lorsque tu fais le hajj, c'est quoi qui marche et qui fait ses tours, hein, autour de la Kaaba? C'est tes membres. Et tout ça, c'est une forme de reconnaissance. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler d'une chose qui est une chose qui est une des bases de notre religion. Qui est une des bases de notre religion jusqu'à ce que l'islam a été connu pour cela. Jusqu'à ce que cette religion a été connue pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Birrul walidain. La bonté pieuse avec les parents. Cette bonté pieuse avec les parents, ainsi que l'obéissance des parents, c'est une chose qui est difficile pour moi de vous en parler. Pour moi, ça sera, Inch'Allah, et pour vous, un rappel. Inch'Allah, à travers ce rappel, on va essayer de sortir de ce rappel, au moins avec une chose, c'est de nous repentir de ce qu'on a fait à nos parents. L'autre chose aussi qu'on aimerait bien, après cette conférence, Inch'Allah ta'ala, c'est de pratiquer la moindre des œuvres, ou alors d'être plutôt constant dans une œuvre, même si elle est petite, envers nos parents. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith sahih, lorsque Aïcha radiallahu anha, on lui a posé la question, ma huwa afdalul a'mal, quelle est la plus grande ou quelle est la meilleure des œuvres? Qala alayhi salatu wassalam, adwamuhu wa in qalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était l'œuvre la plus permanente. La plus permanente, même si elle est moindre. Même un petit sourire à ta mère ou à ton père. Et Inch'Allah, on va parler de ça. Alors l'islam, il a été connu pour birr al-walidain. Il a été connu pour cette grande moralité. Qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... C'est devenu quelque chose perdu, malheureusement. Des gens aujourd'hui... Plutôt que de remercier leurs parents sur l'éducation qu'ils leur ont donnée, ou plutôt que de remercier leurs parents sur ce que leurs parents ont fait pour eux, ils les mettent dans des maisons de retraite en se débarrassant d'eux. Allah musta'an. Alors, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran à ce sujet? Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 83. Wa id akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Voilà le premier verset qui est dans Sourate Al-Baqarah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction, et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah et de faire le bien envers les pères et mères. Alors, bilwalidain, pourquoi ils disent que c'est père et mère et ils ne disent pas les parents? Pour ne pas confondre avec les grands-parents. Donc, vous voyez dans ce verset-là l'ordre, wa bilwalidaini ihsana, de faire le bien envers les parents. Et Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, le verset 36, وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Un autre verset nous prouve cela, l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite de donner le plus grand haq après celui d'Allah qui est haq al-walidain, le plus grand droit qui est celui d'Allah, et après celui-là, le droit des parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 151 de Sourate Al-An'am, il dit: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Une troisième fois. Dit: venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers père et mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Isra: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عنك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Regardez comment ces versets sont beaux et comment ils nous résument le comportement que doit avoir le musulman envers ses parents. Ce verset donc est dans Sourate Al-Isra où Allah nous dit: et ton Seigneur a ordonné, wa qada rabbuka qada ay amara, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Et ton Seigneur a ordonné ou a décrété de n'adorer que lui et de marquer de la bonté, marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « ouf » et ne les brusque pas. Mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé petit. La ilaha illallah. Regardez cette wasiyya qui est dans Surat Al-Isra où la personne ne peut se peser devant ces versets-là. Est-ce qu'il est vraiment obéissant envers ses parents? Marqué de la bonté. Est-ce que nous avons fait suffisamment de bonté pour dire que nos parents ont été marqués par notre bonté? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ne les brusque pas. La ilaha illallah. Ne les brusque pas. Crois pas que toi, brusquer, ça veut simplement dire bousculer. Non. Ou de faire un acte qui ne les plaît pas. Mais brusquer, ça peut être même un mauvais regard envers tes parents. Des gens froncent les sourcils devant leurs parents. Des gens, leurs pires ennemis sont leurs parents. Na'ouzou billah. Fala taqul lahuma uffin. Ouf. Cette petite kalima, tu ne leur dis pas. Et des gens insultent leurs parents. Ils disent pas ouf, ils vont plus loin, ils insultent leurs parents. Ils insultent leurs parents, qu'Allah nous préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Maryam, en citant la bonté pieuse de Yahya, il nous dit Allah: wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Et dévoué était Yahya, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Alors il ne brusquait pas, et il était obéissant, Yahya alayhi salam. Et Allah nous parle au sujet de Isa alayhi salam dans Sourate Maryam: wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Les recommandations que Allah subhanahu wa ta'ala a données à Isa dans cette sourate, sourate Al-Maryam, cette sourate qui est merveilleuse, où Isa dit, alayhi salam, قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصى أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. Voilà les ordres qu'ils ont été donnés. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Et la bonté envers ma mère. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. Il était pieux avec sa mère, Maryam, alayhi as-salam, wa alayhim as-salam. Et il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Et Allah nous dit aussi dans Surat Al-Ankabut, alors ça c'était donc les comportements qu'avaient les prophètes envers leurs parents. Et Allah nous les cite, afin qu'on prenne exemple. Dans Surat Al-Ankabut, Allah nous dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah nous dit: et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Et si ceux-ci, yani tes parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas vers moi et votre retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce verset, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا bienfaisance. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Luqman, Allah nous dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici de façon convenable, c'est-à-dire ici-bas de façon convenable. وَصَاحِبْهُمَا الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et l'autre verset aussi, dans Surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Et nous avons enjoint encore: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et nous avons enjoint ou ordonné à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché, et sa gestation, son sevrage dure 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, ceux-là selon la promesse véridique qui leur a été faite. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les 4 premiers versets cités, Les quatre premiers versets cités prouvent qu'Allah Jalla wa Ala a ordonné la bonté envers le père et la mère. Le quatrième verset, il nous indique certains comportements à avoir et à adopter envers les parents. Et cela, inshallah, sera expliqué dans les comportements à avoir avec les parents. Et dans le cinquième verset et sixième verset, Allah nous dit comment que les prophètes, alayhim salam, se comportaient avec leurs parents. Et si Allah nous parle de ce comportement des prophètes envers leurs parents, cela doit être un exemple pour nous. Un exemple pour nous, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il nous éloge des faits, c'est afin de les suivre. إِذَا مَدَحَ فِعْلًا فَهُوَ عِبَادَكَ مَا سَيَأْتِ إِنْشَاءَ. Également, le septième verset nous donne l'ordre de bonté envers les parents, mais il rajoute un comportement qu'il faut savoir, qu'il faut avoir, c'est celui du cas où les parents seraient ou deviendraient des ennemis de ta propre religion qui est l'islam, en t'obligeant à associer à Allah. Et ça, on va s'arrêter aussi dessus. Le huitième qu'on a cité dans Sourate Luqman, c'est pareil, il y a l'ordre de suivre de bienfaisance envers Allah Jalla wa Ala, envers les parents, et ainsi que la reconnaissance des bienfaits des parents et de toute la bienfaisance qu'ils ont fait envers toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset Sourate Luqman, أمر الله الولد بشكر الوالدين وقرنا شكرهما بشكره. Regardez, il faut bien se concentrer sur ce verset dans sourate Luqman. Anishkur li wa li walidayka. Allah a joint sa reconnaissance avec quoi? Avec la reconnaissance des parents. Qu'est-ce que cela nous prouve? Ça nous prouve que celui qui est vraiment reconnaissant à Allah, il est reconnaissant envers qui? Envers qui? Envers ses parents. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela et nous a joint ici cette chose qui est le shukr. Dans le dernier verset, il y a pareil, l'ordre d'Allah, mais le rappel d'une chose très importante. C'est la peine et la souffrance d'un être humain qu'on a malheureusement beaucoup négligé et qui est l'être humain le plus proche de toi, l'être humain qui a été le plus proche de toi, ta mère. Voilà alors sur quoi on va faire quelques arrêts afin de bien, Inch'Allah, analyser l'importance du sujet. L'importance du sujet qu'on a dit qui était Birr al-Walidain. Alors, on va récapituler un petit peu. On va revenir donc sur les versets. D'abord, il y a l'ordre d'Allah, Jalla wa Ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et dans les autres versets, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Tous ces versets-là, ce sont des ordres. Ce sont des ordres. Alors, l'ordre, vous savez tous que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soit une chose donc obligatoire ou soit une chose recommandée. Quand est-ce qu'elle est recommandée? C'est quand il y a un dalil, une preuve qui le prouve, que c'est recommandé et que ce n'est pas obligatoire. Mais la base de l'ordre, c'est quoi? عندكم يلا. La base de l'ordre, c'est quoi? C'est l'obligation. Cheikh al-Islam rahmatullah alayh nous dit que al-ibada huwa kullu ismi huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina. L'ibada, il l'a défini, Cheikh l'Islam, en disant que c'est un nom qui englobe ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Min al-aqwal al-zahira wal-batina. Parmi les paroles apparentes et cachées. Et si on regarde ici, dans les versets, Allah nous a donné un ordre. Et l'ordre, c'est une adoration. Alors, c'est simple. L'ordre, on est dans trois cas dans l'ordre. Soit on le suit, soit on ne le suit pas, ou soit on le suit de temps en temps. Ça, il y a une autre chose. Il y a autre chose ou pas, hein? Soit on le suit, soit on ne le suit pas, ou soit quoi? Ou soit de temps en temps. Oui. Celui qui le suit, ce discours il va être direct. Il va peut-être faire mal. Et Inch'Allah qu'il nous fasse mal. Inch'Allah qu'il nous fasse mal. Celui qui suit l'ordre, c'est celui qui a le cœur pur. Sahibul qalb salim. Celui qui ne suit pas l'ordre, sahibul qalb al-mayyit. C'est celui qui a le cœur mort. Et celui qui suit de temps en temps, un coup il fait, un coup il fait pas, hein, un coup il fait bel walidin, mais un coup il fait uquq al walidin, hein, il fait le contraire, ou n'importe quel ordre, celui-là, c'est quoi? C'est un cœur malade. Alors, Allahu a'lam, on ne va pas poser la question, hein, on sait dans quoi on est, est-ce qu'on a, c'est quoi notre place dans ces trois cœurs-là? Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que al-mu'min, plus ton cœur, le croyant, plus son cœur, idha safiya al-qalb, safiya al-a'mal, plus son cœur, il va être pur, plus birr al-walidin, ça va être simple pour lui. Et plus son cœur, il va être sale, sale avec quoi? Sale avec quoi? Avec les shahawat et les ma'as et les shubuhat, hein? Plus il va être sale, plus il va être mauvais envers ses parents. Et il ne pourra pas lam yuwaffaq li hadha al-amal al-azim. Il ne sera pas guidé sur ce amal, sur cette œuvre grande qui est birr al-walidain. Car l'ordre, Allah il nous a dit, et il nous a donné la sifa du croyant, la caractéristique du croyant face à l'ordre. Dans sourate Al-Ahzab, lorsqu'Allah nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ce verset qui est dans sourate Al-Ahzab, qui veut dire qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré. D'un égarement évident. Voilà pour ce qui est de l'ordre. Voilà pour ce qui est de l'ordre, mes frères. Alors, plaçons-nous. Soit on a le cœur qui est bon, نسأل الله عز وجل أن يحيى قلوبنا. Qu'Allah fasse vivre nos cœurs. Fasse vivre nos cœurs avec la foi qui nous permettra, inshallah ta'ala, de accomplir cet acte qui est birr al-walidain. Et qu'Allah purifie nos cœurs. Qu'Allah purifie nos cœurs, car wallahi mon frère, si tu te poses la question, pourquoi tu n'es pas quelqu'un qui est barran biwalidain, c'est-à-dire qui est pieux avec ses parents, c'est que ton cœur a une maladie quelque part. Il y a quelque chose, il doit y avoir de l'hypocrisie, il doit y avoir un nifar, il doit y avoir de l'ostentation, il doit y avoir, comment ça se fait que tu vois des gens qui sont bons avec tout le monde sauf avec leurs parents? Comment ça se fait que tu le vois avec une belle barbe et qu'il est gentil et qu'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il rentre chez lui c'est un cauchemar, ses parents ont une seule obsession, c'est de le sortir. Comment ça se fait? Ça wallahi al-azim, celui qui n'est pas guidé sur cette adoration, c'est qu'il a une maladie dans le cœur. Allahu alam biha. Et les maladies dans le cœur elles sont deux, soit c'est une shubha ou soit c'est quoi? ou soit c'est une shahwa, soit c'est une passion, ou soit c'est quoi? Ou soit c'est un doute ou une ambiguïté. L'autre élément qu'on a vu dans les versets que nous avons cités, c'est le comportement de certains prophètes alayhim salam à l'égard de leurs parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ces comportements afin de prendre conscience, likay tata'ammal fi 'azamati al-maqam, afin de prendre conscience et afin de méditer sur cet ordre-là. Des prophètes, des anbiya, n'ont pas négligé cette adoration. Alors que les prophètes, alayhim salam, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis et les a agréés, et Allah leur pardonne ce qu'ils ont fait à ces prophètes, alayhim salam. Et nous, qui sommes, yani, simplement des musulmans et qui suivent la religion de ces prophètes-là, si on ne se sent pas concerné par cela, c'est qu'on n'a pas suivi les prophètes, alayhim salam. Ces deux prophètes, mais avant lui, il y avait d'autres prophètes. Avant ces deux prophètes, Yahya, et avant Isa alayhi salam, il y avait d'autres prophètes qui, dans leurs paroles, on voyait birr al-walidain. On voyait la bonté pieuse envers leurs parents. Lorsque Nuh alayhi salam dit Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimin illa tabara. Seigneur, pardonne-moi à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant ainsi qu'aux croyants et croyantes, ne fait croître les injustes qu'en perdition. Cette dua, ya ikhwan, cette invocation que Nuh alayhi salam a dite, elle nous prouve la bonté qu'il avait envers ses parents. Il s'est souvenu de quoi? De ses parents, dans le dua. وَهَذَا مِنَ الْإِحْسَانِ بِالْقَوْلِ. Et cela fait partie de la bienfaisance avec quoi? Avec la parole. C'est la plus petite chose que tu peux faire si ton père et ta mère sont morts, ou même vivants. Te souvenir d'eux dans les dua. Un autre prophète, alayhi salam, le prophète Ibrahim, qui est venu après Nuh, et avec son fils Ismaïl, alayhi salam. Wallahi, Ismaïl, alayhi salam, c'était un signe d'Allah dans la bonté envers son père, envers les parents. C'était un signe d'Allah, car on sait à travers le Coran qu'il y avait entre Ibrahim et son fils Ismaïl un lien très fort, alaqatun qawiyya, et ceci est prouvé par la parole d'Allah lorsqu'Allah nous dit dans sourate al-Baqara, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismaïl rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison de Kaaba, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Il demandait le Kaboul, la ilaha illallah. Il demandait l'acceptation de la construction de Kaaba, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Alors qu'est-ce qui prouve ce verset-là? Ce verset prouve que Ismaïl alayhi salam a aidé son père Ibrahim à construire la Kaaba. Il était donc proche de lui, et il était donc obéissant et dévoué dans l'aide envers ses parents. Cette Kaaba, هذه البيت, البيت العتيق, cette Kaaba qui est l'un des plus grands phénomènes historiques de l'existence. Elle a été construite sous quoi? Sous l'amour, ou sur cette ibada, sous l'amour d'un père envers son fils. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lorsque toi, tu t'offres bil Kaaba, c'est quoi tu dois te souvenir? Tu dois te souvenir de ces versets-là qui sont dans Sourate al-Baqara. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt. Wa qui? Avec qui? Ismaïl. Allah, il a cité le père, il a cité qui? Le fils. Pourquoi? Parce qu'il était proche de lui. Il était proche de lui. Et ainsi, il y a des gens, malheureusement aujourd'hui, qui font le hajj avec la malédiction de leurs parents. Il y a des gens qui font le tour de la Kaaba et son père le maudit chez lui. Pourquoi? Un mauvais comportement. Allah musta'an. Il va et fait le hajj. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Une malédiction. À quoi ça sert d'abdullah azza wa jal, d'adorer Allah azza wa jal avec des malédictions derrière ton dos, qu'Allah nous en préserve. Mais wallahi, la bonté, pourquoi on a dit que c'était un mafal Ismaïl, pourquoi on a dit que c'était un exemple, sa bonté, sa douceur à Ismaïl, elle va encore plus loin. Rifq Ismaïl alayhi salam wa hilm Ismaïl alayhi salam balagha ma balagha. Il va encore plus loin, car un jour Allah testa Ibrahim alayhi salam dans son fils. Et cela nous est cité dans Sourate As-Saffat. Lorsque Ibrahim a invoqué son Seigneur, Rabbi habli min as-salihin, fabashshirnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha'allahu min as-sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil-jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahu al-bala' al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim. Écoutez ces versets-là. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture. Ibrahim fait donc cette dua. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon doux qui est Ismaïl. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit : Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, de te sacrifier. Vois donc ce que tu penses. Regardez ce qu'il a répondu Ismaïl. Fanzur madha tara. Et Ismaïl alayhi salam a répondu if'al ma tu'mar. Ismaïl dit : Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu ne trouveras, s'il te plaît, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des environs. La ilaha illallah. Regardez cette alaqa. Regardez ce lien qu'il y a entre le père et le fils. Il lui dit izbah, sacrifie-moi, prends le couteau. C'est Allah qui t'a ordonné. Je te donne cette âme-là pour Allah jalla wa ala. Et ensuite, Allah nous dit falamma aslama wa tallahu lil jabin, lorsqu'ils se sont soumis tous les deux à Allah, il le jeta alors sur le front. Wa nadaynahu ayya Ibrahim, nous appelâmes ô Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, tu as été véridique envers cette vision que tu as vue. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, c'est comme cela qu'on récompense les bienfaisants. Inna hadha lahu al-bala' al-mubin, et c'est certes là une grande épreuve. Wa fadaynahu bi dhabhin 'azim, et nous donnons en rançon, ou par remplacement, une bête, à sacrifier, à immoler. Regardez, on se souvient fil hajj, quand on fait le hajj, on se souvient de la Kaaba, mais on se souvient de quoi aussi? Du dhabh, birr al-walidain, ikhwan. Tout ça, ça doit nous faire penser à quoi? À birr al-walidain. Mais regardez aussi, ça, c'est un père musulman, car Ibrahim était musulman. Et son fils, Ismaïl, regardez le lien qu'ils ont eu entre eux. Et regardez aussi, d'un autre côté, et c'est un phénomène qui arrive aussi beaucoup dans cette société-là, c'est Ibrahim avec son père Azar, son père qui était un ennemi d'Allah, et que Ibrahim ne va cesser de se soucier de lui jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il va le jeter dans le feu. Et Allah transformera le père Azar, le père d'Ibrahim, il le transforme en hyène puante et en le jetant dans le feu. Et au dernier moment, il se soucie du sort de son père. Alors, Allah nous cite les versets du Coran par rapport à leur histoire. Il nous dit Allah, wa idh qala إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Ces duas, ces paroles sont dans Sourate Maryam. Comme le waqt est très court, Inch'Allah, vous revenez dans cela. Mais en tout cas, Ibrahim, alayhi salam, comment il s'est comporté avec son père? Premièrement, il lui a dit, Ya Abati. Il lui a dit, Ya Abati, oh mon père. Aujourd'hui, il y a des gens qui appellent leurs parents par quoi? Par leur prénom. Son père, il s'appelle Mohamed. Ya Mohamed, astaghfirullah al-azim. C'est grave ça. C'est grave de considérer tes parents à ce degré. Et ce istighfar que Ibrahim alayhi salam a demandé, c'est astaghfiru laka rabbi, il est venu dans surat Tawbah. Allah jalla wa ala nous dit au sujet de ce istighfar, c'est-à-dire cette demande de pardon, wa ma kana istighfar Ibrahim li abih إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم. Alors Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement que c'était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham est certes plein de solitude et indulgent. C'est donc ça encore un autre élément de cette muhadara, de cette conférence. C'est attaché directement, cette qissa d'Ibrahim, cette histoire avec Ibrahim, elle est attachée directement avec les versets qu'on a cités auparavant. Wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Et si il te force à associer ce dont tu n'as aucune connaissance, fala tuti'huma, ne leur obéis pas. Dans notre société, comme on a dit, ici en France, beaucoup de gens rentrent dans l'islam et alhamdulillah ala dhalik, sallallahu alayhi wa sallam an yazid min fadlih. Mais il y a ce phénomène qui est d'avoir un père ou une mère qui sont non musulmans et qu'ils te forcent, alors ils se divisent en deux, les non musulmans. Il y a des musulmans, il y a des non-musulmans, des parents non-musulmans, qui vont te laisser faire ta vie. Comme ils disent, pacifique. Ça, c'est comme ça qu'ils disent. Ils vont te laisser. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est les vraies applications, on va dire, de ce qu'on appelle la liberté. Taïb. Et il y en a d'autres, ils vont faire le contraire. Ils ne vont pas te laisser. Ils se divisent en deux. Alors, que faire dans tous les cas? Dans tous les cas, tu as un père qui est non musulman ou une mère qui est non musulmane. Les savants ont expliqué qu'il fallait pratiquer deux choses. La première, c'est la parole d'Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tiens-leur bonne compagnie. Combien de hidayah, combien de guidés ont été causés par le bon comportement du musulman envers son père ou sa mère? Envers son père ou sa mère qui est non musulman. C'est vrai ça ou pas? Beaucoup. Là dernièrement, la semaine dernière, il y avait un frère qui se souciait et qui venait tout le temps, il venait de se convertir. Et il se souciait tout le temps de sa mère, de sa mère, de sa mère, de sa mère. Et il est venu nous voir et il nous a dit, Alhamdulillah, ma mère est entrée dans l'islam. Allahu Akbar. Et beaucoup comme cela. Et wallah, et ce frère, vous savez c'était quoi la cause? C'était le bouleversement, le changement total de son comportement. Il était fait pour l'oumat, il était dans les ténèbres du kufr, les ténèbres des ma'asi. Allah lui a montré le nom, il lui a montré la lumière, et ensuite, sa mère a vu la lumière en lui. Elle a dit, celui-là, Celui-là, s'il suit cette religion comme cela, et qu'il est bon envers moi, et qu'il n'a aucun autre intérêt, c'est quoi? C'est d'obéir son Seigneur. Ça, c'est la vérité. Din, dinullah, c'est le din de fitra. C'est la religion de la fitra. C'est-à-dire que les natures saines, qui n'ont pas été touchées par les ambiguïtés, par les doutes, etc., ceux-là, ils acceptent directement quoi? Ils acceptent directement l'islam. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens dans les campagnes, de plus en plus, là où ça n'a pas été encore touché, que tu vois beaucoup de gens qui rentrent dans cette religion. Alors, la première des choses, sahib huma fi dunya ma'rufa. La deuxième des choses qu'il faut avoir, c'est que l'obéissance, il faut qu'elle reste limitée à des choses. Il faut qu'elle reste limitée au fait que ça ne sort pas ou que ça ne va pas vers l'interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innama at-ta'a fil ma'ruf. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'obéissance des parents doit rester dans le convenable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, il nous dit la ta'a li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Voilà comment doit se comporter le musulman na'am, envers ses parents qui sont non musulmans. Puis, rajouter à cette règle deux choses essentielles. À ces deux choses essentielles qui vont l'aider. La première, c'est la patience. Il lui faudra beaucoup de patience, car comme on va le voir avec certains salafs, comment qu'il se comportait avec ses parents, il lui disait « Mets ton pied ici, maman, et écrase-moi. » Un autre portait sa mère. On va aller voir, Inch'Allah, certaines histoires de salafs. Il faut beaucoup et énormément de patience. Quand tu arrives devant ton père ou devant ta mère, c'est deux êtres différents des autres. Et il faut te souvenir donc des bienfaits qu'ils t'ont donnés afin que tu sois quelqu'un de bien guidé. Alors, pourquoi? Alors, donc on a dit quoi? On a dit la patience. Et l'autre chose aussi, c'est la parole d'Allah. Fattakullaha mastata'atum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, si son père il n'est pas guidé, tu le vois, ou sa mère n'est pas guidée, tu le vois, il est triste, il est triste. Il a le droit d'être triste. Il a le droit d'être triste. Qui ne fasse pas périr son âme pour autant. Allah nous dit dans le Coran, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Allah nous a parlé du prophète عليه الصلاة والسلام. Il nous dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ هَالِكْ نَفْسَكَ. Est-ce que tu vas faire périr ton âme? فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Est-ce que tu vas faire périr ton âme sur eux? Sur le fait qu'ils ne croient pas en ce message? Non. Toi, ce qui t'est obligatoire, ô fils d'un non-musulman ou d'une non-musulmane, toi, ce qui t'est obligatoire, c'est de balligh, c'est-à-dire de faire, d'ordonner ou de dire, de transmettre le message. Et après le hidayah, c'est biyadillah. Et vous connaissez tous l'histoire avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son oncle Abu Talib. Alors, pourquoi on rappelle que ces règles-là, c'est parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils ont exagéré sur Birr al-Walidé. Ils ont exagéré dans le sens où son père ou sa mère, il l'obéit même dans la désobéissance. Par exemple, son père il va lui dire « Bois ». C'est un non-musulman, il va lui dire « Bois, mon fils ». Il leur donne de boire. Comment qu'il doit se comporter? Il ne doit pas boire. La ta'a li makhluq, ma'siyati al-khaliq. Il y en a, ils ont dit non. Malheureusement, de par leur ignorance, ils ont dit non. Ça, c'est bir al-walidin. Allah musta'an. Non, c'est pas bir al-walidin, ça. Ça, c'est pas bir al-walidin. Et d'autres, malheureusement, ils ont pris des doutes dans leur religion, comme une secte égarée qui est connue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, ton père, c'est un mécréant. Ton père, c'est un non-musulman. Il faut que tu te désavoues de lui. Comment tu te désavoues de lui? Tu prends un couteau et tu le tues. A'oudhu billah. Wallahi, ça s'est passé, ces choses-là, mes frères, dans certains pays. Wallahi, ça s'est passé. Au nom des ambiguïtés. Bismiddin, bismil islam, au nom de l'islam aussi. Des gens qui sont venus, ils ont dit, regarde, Ibrahim, il s'est désavoué de son père. Et il s'est désavoué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Wa atazilukum. Hein, je me sépare de vous. Il s'est séparé d'eux. Il n'a pas pris un couteau, il a tué son père. Et wallah, il y avait une histoire qui s'est passée en Algérie. Et dont une mère et son fils, entre sa mère et son fils, le fils s'est approché de la mère et lui a dit, il est venu avec le sabre pour la tuer. Elle lui dit, Ana ummuk, Ana ummuk, Ana ummuk. Elle lui dit trois fois, je suis ta mère. Je suis ta mère, Yahweh a dit, je suis ta mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il fallait qu'il marque son désaveu, son soi-disant désaveu, hein, il l'a tué. Sa mère, qui a souffert pour lui, Allah musta'an. La mère qu'on parle, et ça prouve que le jahl, c'est-à-dire l'ignorance, comme Ibn al-Qayyim dit, al-jahl da'un qatilu, hein, l'ignorance, c'est un mal qui tue. L'autre chose qu'on a citée justement, c'est la mère. La mère, dans ces versets, et pourquoi on parle autant de la mère? Allah nous dit dans le Coran, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Allah nous dit dans le Coran, sa mère l'a porté subissant sur lui, peine sur peine, son sevrage a lieu en 2 ans. Et Allah nous dit aussi au sujet de la mère, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Sa mère donc l'a porté avec peine et elle l'a, comment dire, elle l'a accouché avec peine. Alors Ibn Abbas nous dit au sujet de ce verset là, wahnan ala wahn, c'est-à-dire shidda ba'da shidda, difficulté sur difficulté. Souviens-toi bien de ce verset là qu'on va parler. Et Dhahhak a dit, un des salafs a dit, da'fan ala da'f, faiblesse sur faiblesse. Le premier dit difficulté sur difficulté. Le deuxième nous dit faiblesse sur faiblesse. Et Qatada, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit juhudan ala juhud, c'est-à-dire effort sur effort. Tout cela, mes frères, c'est pas contradictoire. Car la mère, elle a quoi? Elle a de la difficulté en le portant, c'est vrai ou c'est faux? Et celui qui a de la difficulté, qu'est-ce qui se passe? Il a de la faiblesse, c'est vrai ou c'est faux? Taïb, et le juhud, et l'effort, elle l'a ou elle l'a pas, la mère? Elle l'a dans tout ça. Donc, wahnan ala wahn, c'est peine sur peine. Et voilà pourquoi la mère, elle a une place qui est plus grande que le père, pour, du fait qu'elle a eu beaucoup de peine à avoir cet enfant. Et on voulait rajouter aussi une chose dans cela, c'est que certains savants ont dit que al-wahm, c'est-à-dire les envies qu'a une femme enceinte, cela, ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas, Allahu alam. Ces savants, avec le respect qu'on leur doit, mais on voit, d'ailleurs il y a d'autres savants qui ont dit que ce n'était pas vrai ça. Alors, c'est quoi? Ils se sont basés sur quoi, ces savants, pour dire qu'il n'y a pas d'envie envers la femme, les envies qu'elle a, la femme enceinte? Ils ont dit que il ne nous a pas été rapporté un khabar, une information, des sahabiyettes, hein, des femmes, compagnons, où il aurait été cité qu'elle avait envie d'une chose ou pas. Et d'autres savants ont répondu que tout cela rentrait dans quoi? Tout cela rentrait dans la généralité du sens de wahnan ala wahn. Difficulté sur quoi? Sur difficulté. Ils ont dit que ça rentrait fi hadha al-umum, que ça rentrait dans cette généralité. Et même on le voit, ceux qui sont mariés, ils le savent. Ceux qui sont mariés, ils savent lorsque sa femme, elle a une envie. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette envie-là? Ils ont dit qu'en vérité, la femme, l'envie qu'elle a, c'est l'envie de son enfant. Allahu Akbar. Certains médecins ont dit que l'envie qu'elle a de manger, on me regarde, on dirait que c'est tous des célibataires là, hein? Vous êtes tous célibataires ou quoi? Est-ce qu'il est marié là, hein? Lève leur main les mariés là. Mashallah. Ah bah alors, il n'y a pas d'envie chez vous quoi. Mashallah. Alors, Elle a des envies. Voilà ce qu'il nous dit. Firuzi nous dit quoi? Elle a des envies de fraises. Mais par contre, les superstitions qui sont venues sur le fait que si elle mange pas la fraise, elle va avoir des fraises qui vont pousser sur elle, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai ça. Alors, les envies de femmes qui sont enceintes, elles sont existantes. Et ils rentrent dans la généralité du sens de wahnan ala wahn. On rajoute ce détail. Mais wallah que ça c'est un détail. On a parlé de quoi? Et ça c'est juste une envie. Vous avez vu, regarde-toi quand tu as une envie d'un sandwich, on va dire, à 11h du soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas faire des kilomètres pour aller le chercher? Tu ne vas pas aller à Paris, là où il y a les sandwicheries qui sont encore ouvertes? Tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas faire ces kilomètres pour ce sandwich. Elle, miskina, cette pauvre femme faible, elle a des fois deux envies ou trois envies comme ça par jour. Et si elle n'a pas la chose, eh ben souviens-toi juste quand toi, t'as pas ton sandwich, comme octet. Comme ça tu te souviens de la pauvre femme. Taïb. Alors, on va méditer un peu sur la mère. La mère Yahwan, elle nous a porté. Et wallah, les choses qu'elle a fait pour nous, notre mère, ils sont grands. La mère, elle nous a porté. Et elle n'a pas pensé à nous avorter. Elle a été la cause, sabab wujoudik, elle a été la cause de ton existence. Lorsque toi t'étais une goutte dans son ventre, une goutte qui était fécondée dans son ventre, elle faisait attention à tout. Elle faisait attention à la nourriture que tu vas manger, que elle va manger pour ne pas te nuire. Elle faisait attention à ça, alors que toi tu étais dans son ventre. Des nourritures que peut-être elle voulait manger. Elle voulait manger cette chose-là, mais elle a dit, c'est quoi qui l'empêchait? C'est son ham. Peut-être qu'elle était malade et qu'elle n'avait pas le droit de manger cette chose-là. Alors, elle a fait ça pour toi. Essaye de te souvenir de ça. Elle t'a pas avorté. Elle a fait des sacrifices dans son nefs, dans son âme. Elle a délaissé tout ça pour toi. كما قال بعض العلماء فتترك الشهوات اللذيذة والأطعمة السهية إذا كان يضر بالنطفة. Elle délaissait ses passions et ses nourritures délicieuses si cela faisait du mal à quoi? À cette goutte. Elle a délaissé aussi les longues marches. Souviens-toi aussi de cette femme, de cette mère qui a délaissé des longues marches pour toi, pour pas que tu tombes de son ventre. Car les efforts pouvaient faire tomber le bébé. Elle a évité de porter les choses lourdes. Les choses lourdes, elle a évité de les porter. Pourquoi? Pour pas que son bébé tombe de son ventre. Elle est restée et elle t'a gardé dans son ventre. Elle t'a gardé à l'abri. Peut-être, wallahi, certaines femmes, elles ont vécu des guerres. Mais malgré ça, elle t'a gardé dans son ventre et elle t'a toujours préservé. Et un seul souci, c'était quoi son souci? C'était de te nourrir. À chaque fois, de te nourrir. Et elle t'a nourri de la chose la plus chère qu'il y a pour un être humain. C'est quoi? Son sang. Dammuha. Son sang. Elle t'a nourri de son sang. Et elle n'a cessé de grossir. De grossir et de prendre du poids afin de te porter. Elle prend des fois la femme 10 kilos pour un enfant. 10 kilos pour un enfant pour te porter. Ses côtes, wallahi, ses côtes, ils se déforment. Plus ça va avec le temps, plus c'est dur. Sa colonne vertébrale, elle se plie. Tout cela de plus en plus pire. Et malgré tout ça, son souhait c'est quoi? C'est que tu te portes bien. Dès que ça va pas dans son ventre, wallahi, rien ne peut la soulager. Dès qu'elle sait que toi tu vas pas bien, khalas, plus rien ne peut la soulager. Et son corps alors, il s'alourdit jusqu'à ce que presque il ne bouge plus, comme les fins de grossesse. On la déconseille de même de bouger, comme si elle était dans un lit d'hôpital et qu'elle ne pouvait plus bouger. Et voilà que c'est l'heure de l'accouchement. Wahnan ala wahn, peine sur peine. Et voilà que c'est l'heure de l'accouchement et c'est l'heure de la souffrance extrême. Est-ce que vous avez déjà vu une femme accoucher? Wallahi, si tu la vois, moi j'ai vu ma femme accoucher. Et wallah, je peux vous dire que c'est très difficile pour une femme. lorsque tu vois son ventre qui se plie comme un triangle, comme ça. Et tout ça est écrit et allure. Pourquoi ? Pour toi, ya akhi, Allahumma sta'an. Et toi après tu le désobéis, et toi après tu la dénigres, et toi après ta femme c'est la meilleure des femmes, et tu oublies ta mère, Allah musta'an. Elle a souffert à ce moment-là, du sang qui a coulé d'elle. Elle est restée, et après cela, elle est contente, ta mère. Ces derniers instants-là que tu es sorti de son ventre, tu la vois, elle est contente. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle te prépare quoi? Elle te prépare la aqiqa, une fête. Elle te prépare cette fête, la aqiqa, pour toi. Son farah, c'est un farah da'im. C'est-à-dire que sa joie pour toi, sa joie envers son fils, wallahi, c'est un farah da'im. C'est une joie permanente. Contrairement à celle du fils, que le fils peut avoir une joie hein, de temps en temps. Il est joyeux de son père ou de sa mère, et de temps en temps, il n'est pas joyeux. Mais wallahi, ton père et ta mère, ils te considéreront toujours comme leur fils, même si tu as une barbe blanche. Et ils seront toujours auprès de toi. Et regarde, souviens-toi même des moments où tu as été en totale perdition, ou en total oubli. Qui c'est qui s'est souvenu de toi? Ta mère, ton père. Allah Azza wa Jalla, il a mis la alaqa, les frères. Et la mère, hein, après tout cela, elle se fait dénigrer par son fils ou par sa fille. Allah musta'an. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué le droit de la mère. Il a dit alayhi salatu wassalam ummak thumma ummak thumma ummak thumma abak, ta mère trois fois, et à la fin qui? Ton père. Pourquoi la mère trois fois? La première fois c'est parce qu'elle l'a porté. La deuxième fois c'est parce qu'elle l'a mis au monde, et la troisième fois c'est parce qu'elle l'a éduqué. Elle a éduqué cette mère, ses enfants, cet enfant. Et toi, tu viens, tu la remplaces par d'autres gens. Quel est cet amour que tu as pour cette mère? Wallahi, les frères, Ummuna, ta mère, c'est ton paradis, Al-Jannah. Et Wallahi, nos anciens, c'est-à-dire que nos parents, Wallahi, tu les vois comment ils se comportent avec leurs parents, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a été éduqués dans une société immorale. Nous, on a été éduqués dans une société où il n'y a pas ces choses-là. Où ils prennent le père et la mère et ils les jettent. Ils les jettent où? Ils les jettent dans des maisons de retraite. Regardez, Rabbah, il l'a éduqué, il lui a donné à manger. Comment qu'il finit? Allez hop, la maison de retraite. Et maintenant, des Arabes, et des Soudes, et des Noirs, des Arabes, des gens qui se disent musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ غَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ. Ils vont suivre pas à pas les gens qui étaient avant nous. Et que vous savez c'est qui? Hein? Ils vont les suivre pas à pas. Jusqu'à ça, mes frères, jusqu'à prendre ton père et ta mère et le mettre dans une maison de retraite, c'est quoi ce aql? Nous, chez nous, il n'y a pas ça. Chez les musulmans, il n'y a pas ça. Le père et la mère, on s'en occupe jusqu'à la fin. Le père et la mère, on s'en occupe jusqu'à la fin. Et voilà que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur des siècles, c'est son siècle, ainsi que celui qui l'a suivi, ainsi que celui qui l'a suivi. Alors, comment étaient nos salafs? Comment étaient nos salafs envers le père et la mère? Abdullah ibn Omar avec son père. Aïcha radiallahu anha avec son père Abu Bakr. Abdullah ibn Zubayr avec son père. Abu Huraira avec sa mère. Abdullah ibn Abbas avec son père. Tout cela sont des exemples. Et qu'on va citer quelques faits qu'ils ont faits. Uwais al-Qarani, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Khayrut tabi'in Uwais. Khayrut tabi'in Uwais. Qui était Uwais? Uwais est un homme qui vivait au Yémen. Et il voulait voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qui l'a empêché de voir le prophète alayhi salatu wassalam? C'est sa beauté pieuse qu'il avait envers ses parents. Allah musta'an. La bonté pieuse qu'il avait envers ses parents. C'est ça qui l'a arrêté. C'est ça qui l'a arrêté envers sa mère. Vous voyez, ce Qarani, c'était donc un yéménite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas vu. Et lui, il ne l'a pas vu. Mais Allah a informé d'au-dessus des cieux. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet homme-là, c'était le meilleur de quoi ? Des successeurs, le meilleur des tabi'in. Pourquoi ? Barran biwalidati. Biwalidatihi. Hein ? Il était bienfaisant envers qui ? Envers sa mère. C'est ça qui l'a empêché d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la bonté pieuse. La bonté pieuse, hein, avec sa mère. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, si vous voyez Uwais, demandez-lui de faire, il a dit ça à Omar al-Khattab, demandez-lui de te faire une dua. Car sa dua était acceptée. Et comment qu'il allait le reconnaître? Il allait le reconnaître avec comme quoi il était frappé par une lèpre et qu'il y avait l'endroit d'une pièce qui était dans son dos et qui prouvait que c'était bien lui, Uwais al-Qarani. Mais Uwais al-Qarani se cachait. Alors, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait à chaque fois qu'il y avait le Hajj et il regardait. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est celui-là? On va lui demander de dua. Allah Akbar. Regardez, Bir al-Walidin, qu'est-ce que ça fait? Alors, on va lire ou on va parler de certaines histoires des salafs. Vous avez Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, que faisait-il? Abdullah ibn Omar, il a donné une imama, c'est-à-dire un turban, et il a donné un âne à qui? À l'ami de son père. À l'ami de son père. Là, le birr va un peu plus loin. Là, la bienfaisance et la bonté, elle va un peu plus loin. En donnant quoi? En donnant la bonté, en donnant un cadeau à l'ami de son père. Abdullah ibn Omar, ce grand savant, un jour, donc ça prouve la bonté pieuse. Abdullah ibn Omar, un jour, était devant le Kaaba. Et il a vu un homme du Yémen. Toujours ces gens du Yémen, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Araqqun nasi quluban, que les gens qui ont le cœur le plus doux sont les gens du Yémen. Alors, car le Yémen c'est un pays ajib, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir jamais vu. C'est tout. Et ils ont tous cru. Allahu Akbar. Alors, cet homme-là portait sa mère autour de le Kaaba. Et il a posé la question, et regardez, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Posez la question aux gens de science si vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé la question, il a dit atarani jazaytuha. Il a dit, est-ce que tu vois que je l'ai récompensé dans où j'étais reconnaissant envers elle? Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Omar? Il a dit même pas une contraction. Ta mère, ya akhi. Ta mère. Dabyan ibn Ali, كان من أبر الناس بأمه وفي ليلة باتت أمه وفي صدرها شيء فقام على رجليه قائما حتى أصبحت يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد. Il y avait une chose qui était posée sur la poitrine de la mère de Dabyan ibn Ali. Alors, il s'est figé comme ça devant elle, debout, et il n'a pas bougé jusqu'au matin, pour pas la réveiller. Il ne voulait pas faire de bruit pour la réveiller. Est-ce que nous, on a un comportement comme ça, billah alaykoum? Est-ce que nous, Allah musta'an, il y a des gens, je vous dis, ils sortent de chez eux, j'ai entendu des histoires, ou des sœurs, ou des frères, Allah musta'an, leur père, c'est leur pire ennemi. Des fois, j'appelle même des frères, ils parlent à sa mère, Allah musta'an. Mais, ou à son père. Il parle comme si c'était un ami. Mais après, qu'il ne s'étonne pas qu'il n'arrive pas à prendre le Coran ou qu'il n'arrive pas à faire des pas dans sa religion. Il ne faut pas qu'il s'étonne, celui-là. Il est mauvais avec ses parents. D'être mauvais avec ses parents, c'est le pire, c'est un des plus grands péchés. Et un jour aussi, un autre sahabi, un autre salaf, Hawa ibn Shuraih, lui, il faisait une halaqa, c'est-à-dire il faisait un cercle assis avec les, comment dire, avec des gens, et il leur enseignait. Et sa mère, elle l'appelait, elle lui dit, prends les graines et va donner aux poules. Et hop, il se levait et il allait donner aux poules. Et après, il revenait. Allahu Akbar. C'était un savant, et regardez comment que le tawadu et cette humilité qu'il avait envers sa mère. Zain al-Abidin, qui faisait partie des gens les plus pieux avec sa mère, un jour, jusqu'à ce qu'on lui a dit, innaka min abarri an-nas bi ummik wa lasna naraka ta'kul ma'aha fi sahfa. Fi sahfa. On te voit, tu fais partie des gens les plus pieux, Zain. Walakin, on te voit, tu ne manges pas avec ta mère. Regardez déjà, eux, ils s'étonnaient de quoi? Ils s'étonnaient qu'ils ne mangeaient pas avec sa mère. Ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient avec leur mère. Ça, et khayrun nasi qarni. C'est-à-dire la meilleure des siècles est quoi? Et mon siècle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Alors, Zain, l'abidin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, أَخَافُ أَن تَسْبَقَ يَدِي إِلَى مَا سَبَقَتْ إِلَيْهِ عَيْنُهَا فَأَكُونُ قَدْ عَقَبْتُهَا. Regardez ce qu'il a dit, Zain l'abidin. Il a dit, j'ai peur qu'elle a vu quelque chose dans le plat et qu'il l'a plu. Et que moi je vienne et je prenne cette chose-là, du plat. Et alors, j'aurais désobéi à mes parents. Regardez le comportement qu'avaient donc les salafs envers leurs parents. Et également un autre salaf, Abu Amr, raconte que son fils Dar lui a dit, comment est ta compagnie avec ton père, ou comment est sa compagnie avec son père. Il a dit, il n'a pas marché avec moi. Il raconte que son fils n'a pas marché avec lui et sans que dans une nuit sans qu'il marche devant lui, et dans une journée sans qu'il marche derrière lui. Et il n'a jamais, alors écoutez bien, il n'est jamais monté sur un saqf au-dessus de lui, il n'a jamais été au-dessus de lui. Subhanallah, le respect qu'ils avaient pour leurs parents. D'autres histoires, comme ça, Muhammad ibn Qadr, il disait, Qoumi, lève-toi ma mère, da'i qadamaki ala khaddi, mets ton pied ici. Urwa ibn Zubayr nous dit, ma barra walida min shadda al-tarafa ilayh. Il a dit, il n'a pas été pieux celui qui a froncé les sourcils vers sa mère ou vers ses parents. Qu'est-ce qu'on a fait nous avec nos parents? Alors nous c'est simple, soit on sort de loin, et donc on doit rattraper le temps perdu, soit on sort de loin, et on a tout bilallah, Allah manna alayna bit tawba, et donc on doit rattraper le temps perdu, ou soit on vient, on a été bien éduqué, et alhamdulillah, qu'il faut que ça reste. Et j'ai vu chez au Maroc, bon, je suis pas marocain, mais j'ai vu une chose qui se faisait chez eux qui était ajib et qui prouvait aussi bir el walidin. Ils rentrent chez eux et ils embrassent la tête du père. Allahu Akbar. Ça, wallah, ça m'a choqué la première fois que je l'ai vu. Bon, je vais pas dire de quel pays je suis, parce qu'après on va me dire Donc ça m'a choqué, j'ai dit subhanallah, et je ne l'ai pas vu chez une seule des familles. À chaque fois que je rentre chez eux, ils viennent, ils saluent leur père et ils embrassent la tête. Ça c'est une marque de respect. Ils ne lèvent pas la voix, il ne faut pas donc lever la voix envers les parents, comme cela a été cité par les salafs. Certains salafs ont abandonné la rihla, c'est-à-dire ont abandonné le voyage dans Talab al-Ilm, pourquoi? Pour la bienfaisance envers leurs parents. Et des savants disaient, Man waqqara abah, celui qui honorifie son père, atala umurah, Allah lui allongera sa vie. Wa man waqqara ummah, ra'a ma yasurruh, et celui qui honore sa mère, il verra ce qui lui plaît. Subhanallah, il y a deux jaza, mes frères. Il y a deux récompenses, une récompense dans cette vie-là et une récompense dans l'au-delà, dans le fait d'être bon envers son père et sa mère. Une fois, il y a une personne ils l'ont retrouvée, c'était une femme, ils l'ont retrouvée tabassée par ses enfants devant la porte de chez elle. Ils l'ont regardée, qu'est-ce qui t'arrive? C'est mes enfants qui m'ont frappé. Pourquoi ils t'ont frappé? Parce que voilà, ils m'ont frappé. Taïe. En enquêtant et en regardant sur le passé de cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle levait la voix à son père et à sa mère. Deux récompenses. Une vie ici-là et dans l'au-delà. Une autre histoire où il y a une personne un jour qui était devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est venu le fils, il y avait le père et il y avait le fils. Le fils a mis une claque à son père devant le masjid al-Nabawi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus, ils ont dit « Ya'am » comme ils disent. « Ya'am, oh tonton, faut pas laisser passer ça là, laisse-nous corriger. » Regardez déjà la fraternité qu'il y a entre les musulmans. Hein, quelqu'un y frappe, hop, ils sont venus tous. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit « Ya'am, laisse-nous frapper, laisse-nous corriger. » Et il dit « C'est qui celui-là ? » Il a dit « C'est mon fils. » Il dit « Laissez-le. » Il dit « Mais pourquoi tu veux qu'on le laisse? Regarde ce qu'il t'a fait. » Ils ont essayé de le faire réagir. Qu'est-ce qu'il a dit le père? Il a dit « Wallahi, j'ai fait la même chose il y a 10 ans dans la même place. À mon père. » À mon père. Le père, il dit ça. Alors sache, toi mon frère, sache que si tu es désobéissant envers ton père et ta mère, tu auras cette double récompense-là. Tu auras une récompense dans cette vie-là et quoi? Et dans l'au-delà. L'au-delà, c'est le pire. Mais laisse rien que cette vie-là. T'es désobéissant vers ton père, t'es désobéissant vers ta mère. Wallah, il t'attend ce qu'il t'attend. Wallah, il t'attend. Et qu'Allah nous préserve, les frères. Qu'Allah nous préserve hein, du mauvais comportement envers les parents. Pareil, il y a des histoires aussi où une personne s'occupait de son père. Il s'occupait de son père à un point où un jour, il lui occupait, yani, il lui préparait toujours hein, son endroit pour faire ses besoins. Et il avait peur que son père s'assoie dans un endroit chaud, car c'était un peu dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y avait des invités, et le fils, il était préoccupé par son père, car son père était vieux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que son père allait s'asseoir sur l'endroit chaud. Il a couru. Il s'est jeté vers son père, et il a mis ses mains sans regarder ce qui se passait. Et il a tenu donc le bas du dos de son père. Et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Son père n'a pas pu se retenir, il a eu ses besoins. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a dit son père, Wallahi, tout ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait pour mon père. Mais sauf ça, ça là, tu m'as dépassé. Allahu Akbar. Alors, c'est pas des histoires comme ça qui doivent. Ça, c'est bien, ça nous fait réagir. Mais voilà qu'il y a Irwan. Quand est-ce qu'on va se réveiller sur nos pères et nos mères? Quand est-ce qu'on va les faire revenir vers, yani, les faire aimer les choses ou les faire revivre une vraie vie? Alors, il y a plusieurs adab. Hein, je sais pas s'il y a le temps. J'ai plus le temps. Alas. De manger, préfère aller manger. Fadwalou, si vous voulez manger. Allah. Bon, attends, ils veulent manger ou pas? Hein? Ah, il a dit on est en train de manger. On finit, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Allah. Vous êtes d'accord, on continue? Ah, taïb, vous continuez alors. Inch'Allah. Taïb. Alors, on parlait donc de quoi? Du adab. Des adèbes, des certains comportements qu'il faut avoir envers les parents. Alors ça, c'est des histoires qui nous motivent à aimer plus nos parents et à être plus proches d'eux. Mais il y a un certain comportement à avoir. Et on va les citer rapidement, Inch'Allah, comme ça on va vous laisser manger. Le premier comportement à avoir, c'est dawam as-silah, la permanence dans le lien de parenté. Le lien de parenté, c'est quoi? C'est au moins un coup de fil, si t'es loin d'eux, au moins une lettre, hein, au moins une lettre, et de la proximité lorsque eux, ils te sentent comment ? Lorsqu'ils te sentent loin. Ça, c'est un des premiers adèbes envers les parents. Un des autres adèbes qu'on a oublié et qui est très important, et ça c'est grave mes frères, c'est ce qu'on connaît de notre religion. On ne l'aura jamais enseigné, Allah musta'an. Je connais une personne, alhamdulillah, il connaît le Coran par cœur. Il l'a appris en France. Le Coran, il l'a appris en France. Les hikams de tajwid, il les connaît très bien. Et il parlait beaucoup du amal, amal, amal bil ilm. Il est très jeune en plus. Il a moins de, je pense qu'il a moins de 25 ans. Et cette personne-là, wallah, dès que tu le vois, alhamdulillah, fima hasibuhu wallahu hasibuhu, il a un visage nawwar, un visage rempli de lumière. On dirait que sa mère, elle a dit Allah yanawrak. On dirait que sa mère, elle a dit qu'Allah t'illumine. Cette personne-là, Ikhwan, je dis, mais subhanallah, à son âge, il connaît autant de choses. Je dis, ajib. Et j'ai dit, et j'ai parlé un jour, je dis, nous, on se faisait un rappel, on dit, nous, en vérité, on rentre dans la religion, on est là, on fait des efforts et tout pour nous-mêmes, et on va aller voir même des gens, on va parler de la religion, on va faire du rappel, etc., etc. Mais on oublie les gens les plus proches qui sont autour de nous, qui sont nos parents. Et wallah, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, je vais te dire un truc, mon frère. Hein ? Il ne voulait pas le dire, mais à la fin, il me l'a dit. Il m'a dit, ma mère, je lui ai appris à faire le tashahhud. Je dis, comment que t'as fait ? Parce que nos mères, beaucoup d'entre nous, Allah musta'an, elles sont en alphabet. Et c'est difficile. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une cassette et il a enregistré le tashahhud. Et il l'a répété. Il l'a répété. Et il lui met cette cassette à la maison. Et elle a pris le tashahhud comme ça. Regardez l'amal bil ilm. Nous, on le rappelle, combien de nos parents. Alors il dit, il dit par ta tête, il jure par ta tête. Hein? Il dit par la tête de telle personne. Combien de paroles qu'on entend qui sont en mukhalafa, c'est-à-dire qui sont en contradiction avec les lois hein, du dîn. Combien on les entend jurer par autre qu'Allah? On le voit ça dans nos familles, c'est vrai. Nous vient faire ah shirk, on crie. Non, c'est pas comme ça, c'est avec douceur. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit avec le mushrik. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa. Regardez, quelqu'un qui te force à faire le shirk, Allah jalla wa ala, il nous demande de quoi ? D'avoir une bonne compagnie avec lui. Alors comment un père musulman, une mère musulmane ? Il a haqq al-islam, il a le droit de l'islam. Et il a le droit du père, pas oublier. Il a un autre droit, c'est le droit de l'islam. Alors, bien se comporter et leur enseigner les choses de la religion, ça c'est un des meilleurs comportements à avoir. Et wallah, si tu veux la baraka, si tu veux la bénédiction d'Allah, sur ce que tu connais, enseigne à ta famille. Des fois tu vas peut-être enseigner Al-Fatiha, ils ne savent même pas lire Al-Fatiha. Un jour un homme, on l'a vu en rêve, et il était en train de se retourner au paradis. De plaisir. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Il lui a dit, comment t'as fait pour rentrer au paradis ? Celui qui l'a vu en rêve. Il lui a dit, je n'ai fait que enseigner la Fatiha à des gens. Al Fatiha. Alors toi, tu enseignes la Fatiha à tes parents. Tu l'enseignes et tu lui fais lire Al Fatiha. Malheureusement, d'entre nous, ils ne savent même pas lire la Fatiha. Il asaf shadid. Que nous-mêmes on a besoin d'apprendre. Non, apprends, ensuite enseigne à tes parents. Une autre chose aussi qu'il faut avoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Un adab qu'il faut avoir. Ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas. Wallah, il y a des gens qui parlent avec leurs parents comme si c'était des racailles de cité. Ah papa, vas-y. Ah, il ne dit même pas vas-y. Il dit bah, je ne sais pas ce qu'il dit. Hein, comme bon. Il dit vas-y, il parle comme si c'était. Subhanallah al-Azim. Il parle, et des fois il lui met des tapotes dans le dos comme ça. Je dis c'est quoi ça ? C'est son père ou là c'est. Ou alors il s'amuse avec lui, il a un chapeau, il lui enlève le chapeau, il part. Ou alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se moquent des pères dans une cité. Dans des cités, des fois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, oh là, il y a le père de l'autre, ah, il se moque. Allah, c'est quoi ça ? C'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on est humilié comme ça, les musulmans. Même cette reconnaissance-là, que le père et la mère ont tout fait pour toi, pour que tu sois heureux, toi, comment tu les remercies en se moquant? Ah, ah, ah, il y a le père de l'autre. Ah, il y a le père de l'autre. Allah musta'an. Il y en a, je ne vais pas dire ce qu'ils ont fait. Allah musta'an. فلا تقل لهما اف اف ابن عباس دي كلمه كلمه كراهه. Une parole qui est dégoûtante. Aussi, cette parole qui est dégoûtante, qu'il ne faut jamais dire à tes parents. Une parole, des fois, elle va les vexer pendant longtemps. Souviens-toi, des fois, tu es avec tes parents, te dis, Wallah, une fois, tu m'as dit ça, mon fils. C'est vrai, c'est bon. Il se souvient. Le père, il se souvient. Il se souvient que des choses, des fois, même mauvaises. Alors au moins, marque-les, comme il est venu dans le verset, marque-les de bonté. Marque-les de bonté, même si c'est une petite œuvre. Alors, il y a une autre chose aussi, un autre comportement à voir. Jamais tu lèves ta voix. Jamais tu lèves ta voix, ou alors tu fais un jidel, un débat avec ton père. Mais un débat comme si c'était quelqu'un, comme si c'était un homme. Là-bas, est-ce que tu lui montres la vérité et tout? Mais toujours avec quoi? Toujours avec un bon comportement. Et quand tu sais que réprimander un mal que tu vois en ton père, tunkir munkar, et que ce munkar là, que tu vois munkar, cette chose là va causer plus de mal, tu ne le fais pas. Interdit. Rafa saut, il y en a donc qui crient sur leur père. Oye. Et un autre adab aussi à voir, c'est de ne pas les déranger lorsqu'ils dorment. Il y a des gens, ils vont visiter leurs parents. Wallah, il a une mauvaise niya. Moi, je vous le dis, il a une mauvaise niya. Il a une mauvaise intention. Il vient, il sait que sa mère a fait des bons plats. Et il vient à 2h du matin, et il sonne, tut, man, ouvre. Et il vient, il mange le bon plat de maman, il parle avec elle et tout, elle lui raconte un peu sa vie. Elle est contente, Miskina, Wallah al-Azim. Elle est contente, Miskina, elle le voit, elle est heureuse. Alors, mon fils, comment ça va, etc. Et lui, il pense qu'à quoi? Dans sa visite, c'est quoi? C'est une visite pour quoi? Pour le bâton, pour manger. Pour manger le bon plat de maman. Et après, une fois qu'il a fini, attention, il faut faire les bonnes niyas. Innama al-a'malu bin niyat. Il mange à 2h du matin, il se sauve. Allez, salut maman. Alors que l'on fixe, c'est bon, ça marche. Voilà c'est quoi? Al-Boton. Comme là, Al-Boton. Tu remplis ton ventre et tu rentres chez toi. C'est ça, cette société. C'est ça, cette immoralité et cet égoïsme. Balarama balarfika hada. Allah musta'an. Un autre adab aussi à avoir, c'est que tu dois leur montrer de l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire montrer de leur humilité? Tush'iruhum bidhul. C'est-à-dire que tu leur montres l'humilité, ça veut dire que quand tu arrives devant eux, ils ne sentent pas le moindre orgueil. Vous avez compris ça? Il vient et il n'est pas là. Ouais maman ça, ouais maman ça, ouais papa ça. Il montre qu'il est au-dessus d'eux. Là, il montre tout de suite qu'il est en dessous d'eux. Il se rabaisse. Wakhfid janahaka. Hein? Rabaisse l'aile de l'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois montrer quoi? Une infériorité et non pas une supériorité. Et aujourd'hui, il y a des gens au nom de son argent, l'argent qu'il a, ou au nom de la grandeur dans la société qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il ne voit plus ses parents. Ah, vas-y, cela. Et il les oublie. Allahu musta'an. Et parmi un des adabs qu'il faut avoir, c'est tout le temps les remercier. Ya ma, oh mon père, oh ma mère, est-ce que je t'ai fait du mal? Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Fais-leur répéter ça dans la langue. Wallahi mon fils, je t'ai pardonné. Wallahi mon fils, c'est bon. Wallahi mon fils, khalas. Khalas. Khalas. Voilà, qu'Allah nous pardonne. Hein, et qu'Allah nous donne la bonté plus avec nos parents. Et qu'Allah nous facilite ses adorations. Lisez un livre qui est sur des livres sur cela. Il y a Bir al-Walidin de l'imam al-Tartouchi. Il y a plusieurs livres dans ça. Inch'Allah, il y a Riyad al-Salihin, le chapitre avec les explications de Cheikh al-Uthaymin. Il y a plusieurs livres donc, et plusieurs conférences qui ont été faites sur ce sujet. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Jazakumullahu khairan. Wa afwan ala al-itala wa subhanakallahu wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.